La fusion, que tu sois pogné dans n'importe quoi, ça change rien. Si tu t'intéresses à cosmogénie, c'est parce qu'il y a des raisons. Il y a des raisons. Mais probablement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont t'amener petit à petit à te désengager psychologiquement de la cosmogénie pour que tu puisses la rendre créative. L'expliquer de par ton intelligence au lieu de l'expliquer simplement au niveau de la mémoire. Que tu puisses toi-même prendre la cosmogénie ou certains paragraphes puis aller au-delà de expliquer que c'est qui a été donné à l'âme. À ce moment-là, mais là, tu la rends créative, la cosmogénie, au lieu d'en faire une sorte de lasagne. D'habitude. Les gens ont tendance à faire prendre des habitudes. Faire des religions de ça. Je suis sûr qu'il y a une religion du Lancia, mais vite. Il faut comprendre. C'est comme n'importe quoi. La Bible, c'est intéressant, mais faut faire comprendre. C'est une mémoire planétaire. La mémoire galactique, c'est la même chose. Faut faire comprendre. Mais on la comprend quand on est dans notre mémoire. Dans la mémoire du double. Fait que c'est pour ça, peut-être, qu'ils te retardent, là, pour te désengager émotivement et mentalement, parce qu'ils peuvent te reconnecter après, mais tu vas y donner une vie à ce que moi je dis là. Alors, dans le domaine de l'homme, au niveau de l'évolution, si on revient comme après-midi, le phénomène de... Ah oui, c'est ça que je voulais expliquer. Il y a des gens qui vivent l'exaspération. Mais l'exaspération dont je parle se vit mentalement. Il n'y a pas d'émotion dans l'exaspération. Fait que si vous vivez de l'émotion dans votre exaspération, c'est pas de l'exaspération. Vous êtes fâché. Ça, c'est purement subjectif, c'est vos émotions grosses comme le poing. Dans l'exaspération, c'est mental. Ça part d'ici, c'est pas ici. Parce que si vous vivez émotivement l'exaspération, vous n'allez pas faire descendre la volonté. Mais si vous vivez l'exaspération mentalement, qu'il n'y a pas d'émotion dedans, à ce moment-là, vous n'avez pas de choix que de vivre un plus grand rapprochement entre vous et le double, et c'est ça la descente de la volonté. Donc c'est mental l'exaspération, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Vous pouvez être en maudit, mais ça va être contre le double. Tout le temps contre le double. Je peux pas vous dire encore, parce que c'est vibratoire, ça. Je peux même pas vous dire encore si, quand vous vous fâchez, ou quand vous vivez l'exaspération, si vous vous fâchez contre le double, ou si vous vous fâchez contre ce que vous appelez, vous autres, des forces astrales qui vous font interférence, je peux même pas vous dire si ça fait le même travail encore, moi, vous dites tard. Parce qu'il faut que vous soyez laissé sous l'impression de l'une ou de l'autre. C'est subtil. C'est mauditement intelligent, le double. Et savez-vous pourquoi est-ce que c'est intelligent, le double? Parce que la conscience atomique organise le matériel vibratoire qui sert à l'homme dans le mental ou dans l'émotionnel ou dans le vital ou dans le physique. C'est cette énergie-là qui l'organise. Fait qu'imaginez-vous que la conscience atomique, quand ça organise du matériel vibratoire, ça l'organise finement. Ça, je vous dis, apprenez à connaître et à comprendre et à vivre l'irrationnel, à le comprendre l'irrationnel, pour bien vivre votre exaspération, pour que vous puissiez vivre de plus en plus en fonction de votre double, et pour que vous puissiez prendre conscience de votre volonté et de votre intelligence. Quand vous serez rendu à ce point-là, vous serez plus bien compétitif dans la vie. La compétition, ça n'existera plus pour vous autres. Ce sera avec la force créative qui sortira.